On va parler des aigles de Roberval avec notre ami Simon Gaudreau. Salut Simon. Salut Danny. Simon, il n'y avait pas de match la semaine passée. Ce n'est pas une grosse chronique, mais on va en faire une pareille puisque les séries commencent en fin de semaine. Donc, ça vaut. Donc, si on y allait, il y allait d'abord quelle équipe va affronter quelle équipe, là? Dans le fond, les séries vont commencer là, durant la semaine prochaine. Il faut y aller avec les réalités de toutes les équipes. Il y a des équipes qui doivent jouer de semaine. Des équipes, nous, c'est un petit peu plus à la fin de semaine, mais on n'a pas le choix de mettre un petit peu d'eau dans notre vin de chaque côté. Donc, au niveau du Benjamin Division 1, là, on va se frotter dans le premier tour encore de finale, le Séminaire Saint-François. Deux équipes qui se ressemblent, là, deux fiches qui sont sensiblement pareilles. Donc, ça va être une série chaudement disputée. C'est un 3-5. Ensuite de ça, en cadet des deux, nous allons jouer contre Pointe-Lévis dans un 2-3, également dans un quart de finale. Et puis, en juvénile des deux, ce sera un affrontement contre l'école secondaire La Camaradière à Québec dans une formule qui est 2-3 aussi. Okay. Je vous dirais là, que toutes nos séries, c'est des équipes là, sensiblement pareilles. C'est toutes des milieux de peloton. Donc, la 4 contre la 5, puis la 3 contre la 6. Donc, ça va être je m'attends à vraiment des séries là, qui risquent de se rendre au match ultime. Et puis, même tout dépendant de ce qui va se passer, je pense que les matchs vont être serrés là, durant toutes ces séries-là. As-tu vraiment le calendrier? Quand est-ce que ça va commencer? Il n'y a rien d'officiel encore. Là. On parle de. Le juvénile, là, justement, avec la Camaradière, avait ils ont de quoi de prévu. Le match était supposé être prévu jeudi après-midi à Québec, jeudi prochain. Okay. Le 20. En tout cas, bref, le jeudi ou vendredi, là, peu importe. Et puis là, on doit le reporter. Donc, on va sûrement l'avancer un petit peu dans la semaine, mais j'ai pas de confirmation. Ça va être sur nos pages Facebook là, au courant de la fin de semaine, probablement. OK. Y a-t-il du nouveau concernant la nouvelle équipe? La nouvelle équipe, là, présentement, là, on est à Montréal là, dans une semaine de réunion de ligue pour l'an prochain, pour la saison 19-20. Donc étant donné que tous les membres du RSEQ devaient se concentrer sur cette semaine de planification, la cause a été reportée à la semaine prochaine ou début de l'autre, là, bref. On a hâte que ce dossier-là s'enclenche aussi. On sait que les gens attendent avant de peut-être s'inscrire au camp d'entraînement. Ouais. S'il y en a qui ont des questions, je les invite directement à m'appeler 418-812-1473 ou m'envoyer un courriel sur nos pages Facebook. Tout est là. Les jeunes doivent s'inscrire au camp pour créer nos groupes, avoir nos attentes, puis qu'on puisse faire une belle horaire de camp d'entraînement là, qui s'en vient quand même assez rapidement. Ça va être dans un mois et demi environ. Donc, incroyable. On a hâte d'avancer là-dedans aussi. Hey Simon, tu dis que tu es à Montréal. C'est l'an 1. J'imagine qu'on fait un peu le post-mortem de la première saison de la Ligue. C'est en train, oui. Y a-t-il des choses qu'on aimerait améliorer? Y a-t-il des choses qu'il faut s'attendre qui vont sortir de là? On est en train d'étudier pour amener. Présentement, il y avait un challenge seulement en division 1. On est en train de regarder pour avoir un challenge en division 2. On regarde aussi pour l'accueillir, nous, sur le secteur de la commission scolaire. Okay. On regarde la formule des séries. Tous les règlements spécifiques ont été vérifiés. Il y en a qui ont fait des propositions. Donc, je trouve que ça va sur la bonne voie. Puis il y a eu des très bons échanges là, point de vue réseau sport étudiant. Là, on parle beaucoup de l'élève athlète au niveau du scolaire, au niveau hockey. Donc je trouve que ça a été un beau deux jours là, avec les gens des différentes structures provinciales. Bravo, bravo, bravo. Autre chose à ajouter peut-être en terminant? Non, là, comme je te disais, s'il y en a qui ont des informations là, au niveau du. C'est surtout le cadet, mais peu importe les catégories qui veulent venir chercher de l'information. On a fait des portes ouvertes, oui, en Benjamin, mais gênez-vous pas à nous appeler ou à nous écrire, là, c'est sûr qu'on va vous répondre. Donc, en gros, ça ressemble à ça. OK, on se reparle la semaine prochaine, Simon. On devrait avoir un peu un bilan de ce qui se passe. Super, merci. Simon Gaudreau, des Aigles de Robert.